Pour moi, c'est un immense honneur et un privilège de pouvoir introduire Nicolas, qui est plus que. C'est quelqu'un, vous voyez, qui a l'Église dans le cœur et dans la tête, dans le sang. Il a déménagé pour l'Église, pour vous, pour nous. Il se forme aussi au ministère, aussi pour nous, pour mieux nous servir. Et c'est une joie pour nous donc d'accueillir Nicolas, non pas pour la sono, non pas pour la louange, mais pour la prédication cette fois-ci. C'est un peu l'homme à tout faire de l'Église. Nico, bienvenue à toi. Merci. Ça fait tout drôle. Moi, j'ai l'habitude de tenir le micro, comme vous l'avez constaté. Et c'est pas la première fois que je prêche ici, mais c'est la première fois en présence de Greg, donc j'ai pas de pression. En fait, je vous racontais un peu. Il y a deux versets dans ma vie trois, j'allais dire, qui ont marqué ma vie. Le premier, c'est dans Jean, c'est quand Jésus donne la parabole de ces hommes qui ont des dettes. Et Jésus a cette conclusion où il dit, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et moi, j'étais dans cette situation, parce qu'étant enfant, j'ai baigné dans le contexte évangélique, j'étais fils de pasteur. Alors voilà, pour moi, je me sentais déjà parfait. À mes yeux, pour moi, j'avais tout. Et puis on m'a dit, ah ben non, c'est pas si tes parents sont convertis, c'est pas automatique. J'ai dit, mince, ça aurait été tellement simple. Donc en fait, j'aimais peu parce que j'avais l'impression que Dieu m'avait peu pardonné. Et il y a un autre passage, c'est dans les psaumes, où David dit, heureux celui qui place en toi leur appui, quand il traverse la vallée de Baca, la vallée de la mort. Tu la transformes en un lieu plein de sources. Alors mon nom c'est Fontaine, pour moi ça a résonné. Ça a dit, ouah, il faut pas que tu sois comme Mars, ou une planète où il y a des traces d'eau, mais où il n'y a plus d'eau, mais au contraire que tu sois une source qui jaillisse autour de toi. Ça a été, on va dire, une deuxième révélation pour moi, comme un appel. Et puis finalement, il y a plusieurs pasteurs qui sont venus vers moi, qui me disent, tiens, toi, je te sens bien, je te vois pasteur et tout. Et moi, je leur disais, non, non, c'est pas pour moi. Et même plusieurs fois, on m'a dit, oui, je te vois bien, j'ai envie que tu sois comment on appelle ça, mon assistant. Voilà. J'ai dit, non, non, c'est pas pour moi. Moi, je veux bien aider, je veux bien soutenir, être là pour la technique, tout ça. Mais pasteur, j'en veux pas. Quand on est de l'autre côté du décor, on n'a pas la même vision. Et puis finalement, il y a un verset dans Jérémie où il a cette déclaration, il dit, et moi, pour t'obéir, donc il parle à Dieu, j'ai pas refusé d'être pasteur. Wesh. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, non, c'est pas possible. Alors, je vais sûrement pas être un pasteur comme vous avez vu ailleurs, parce que moi, je me sens pas être responsable d'une église, tout ça. J'ai vraiment plein de projets sur mon cœur et m'occuper d'une église, c'est pas trop mon ADN, c'est pas trop ma vocation, mais je veux être au service de Dieu à plein temps, c'est mon appel, mais bon, vous le découvrirez au fur et à mesure. Ce que j'avais envie de vous partager ce matin, c'est écrit là, il est grand temps de grandir. En fait, quand j'étais tout petit, à l'école du dimanche, on m'avait appris un chant qui disait ceci, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Vous le connaissez? Et alors on faisait les gestes, vous savez? Alors moi j'ai grandi, vous avez vu? Donc c'est pour ça que j'apporte ce message, hein, voilà. Non, en fait ça parle. Nous en tant qu'enfants, on n'a pas cette interprétation, on va dire, spirituelle. Et ma croissance physique, elle vient pas de là. Parce que si les chrétiens grandissaient de cette façon, ça se saurait déjà, ça se verrait surtout. Et surtout quand on regarde bien dans la Bible, ben, les géants en général ils sont du mauvais côté, hein. Ils sont pas du côté des chrétiens. Pensez à Goliath par rapport à David. Voilà. Donc c'est pas de la grandeur physique dont je parlais ce matin, mais bien de maturité. Alors la maturité, c'est pas quelque chose qui se manifeste extérieurement. Contrairement à l'image que j'ai mise, où c'est un papy qui s'habille en jeune pour faire jeune, mais la maturité, elle n'est pas extérieure. En fait, la maturité, c'est la manière avec laquelle nous réagissons face aux contrariétés et aux crises extérieures. Donc ça se manifeste par nos attitudes, notre comportement et nos paroles. Alors, c'est Paul qui l'explique ça dans 1 Corinthiens 13, verset 11, si tu peux le mettre. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. En fait, le terme j'ai fait disparaître, ça vient du grec katargeo, ça veut dire rendre inactif, voué à disparaître. C'est un état passager et dans un autre sens, ça veut dire occuper l'espace inutilement. Donc moi, ce passage, quand je l'ai lu la première fois, il m'a choqué. Parce que j'étais habitué, justement, plus petit, plus jeune, et jusqu'à maintenant, à ce qu'on me dise, j'avais moi ce verset, parce que des versets, j'en ai entendu plein, comme vous sûrement, et j'avais ce verset dans Marc 15, où il dit, où c'est Jésus qui parle, après que les disciples aient demandé, c'est qui le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, il dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Alors, moi, j'avais ce verset dans ma tête, et il y a le verset de Paul là qui vient et qui. Je me dis, mais qu'est-ce? J'ai dit, il y a une contradiction, c'est pas possible. Ils disent le contraire. Et en fait, quand on regarde dans Matthieu au chapitre 18, au verset 4, le verset que je vous ai mis là, c'est écrit d'une autre façon. Il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu. En fait, c'est pas être un enfant que Jésus nous appelle, que Jésus veut dire dans ce passage, mais il faut se rendre humble. En fait, il y a une différence, c'est que l'humilité, ça doit être un choix. Et c'est pas naturel. C'est pour ça que j'ai mis grandir un choix, parce que grandir, ça doit être un choix. C'est pas quelque chose de naturel chez nous. C'est pas quelque chose qui vient comme ça spontanément. C'est pas on dit, ah Dieu, je veux grandir, et puis boum, ça y est, un coup de baguette magique, et ça y est, on est transformé en quelqu'un de mature. Non, ça doit être un choix. Et pour aller plus loin, Paul, dans l'Épître aux Galates, nous dit que c'est même nécessaire de grandir. Donc au chapitre 1, au verset 2, il dit ceci, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc être enfant, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut passer un palier au-dessus. Comme il dit ce passage, l'enfant ne diffère pas de l'esclave. Waouh! Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Vous comparez la situation d'un enfant et d'un esclave. Paul, il dit que l'enfant ne diffère en rien de l'esclave. Enfin, en fait, le point commun entre les deux, c'est le manque de liberté. Bien qu'ils aient tout à disposition, qu'ils soient dans la richesse, dans l'opulence, eh ben, ils décident de rien. Ils n'ont aucun poids, aucune puissance, aucune influence sur ceux qui les entourent. En fait, ils attendent tous les deux qu'on les appelle et qu'on leur dise quoi faire. C'est juste des exécutants. Ils n'ont ni initiative, ni pouvoir de décision. C'est fort, c'est fort. Et donc Paul nous encourage à vraiment, non pas attendre ou demander à Dieu de grandir, mais c'est à nous de faire en sorte qu'on grandisse. Alors pour ça, il y a plusieurs, il y a énormément, je vais vous dire, parce que j'ai commencé à faire la liste, il y a énormément de manières dont l'enfant se manifeste dans nos vies. Alors j'en ai cité quelques-uns, je ne sais pas si on va les voir, mais en fait, le changement, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose, comme j'ai dit, qui va être automatique, qui va apparaître comme ça d'un coup. Et en fait, Paul, il explique ça à comment dire, aux chrétiens. Si tu peux revenir au verset, juste avant, voilà. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc on retrouve bien le mot enfant là. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Ouais. Il y avait la jalousie que je n'avais pas rajouté dans ma liste. Ouais, il apparaît là encore. Donc, là, Paul, il voit bien dans l'auditoire à laquelle il prêche que voilà, il y a encore des manifestations de l'enfant chez ces personnes. Ce n'est pas des enfants, là, c'est vraiment des adultes. Il dit, vous êtes comme des hommes charnels. Et j'aime bien, il fait l'analogie entre le fait de grandir et le processus de digestion. Si tu peux le mettre là. Donc un processus, c'est pas instantané, comme je l'ai dit. Et en fait, du coup, je me suis renseigné un peu sur le transit humain pour un peu vous aider à voir comment ça fonctionne. En fait, il y a trois étapes. Enfin, il y en a beaucoup plus en fait dans le transit humain. J'en ai choisi que trois pour pas vous perdre. Et en fait, donc trois étapes du transit. Donc j'appelle ça transit. Hein. C'est juste pour rappeler. Et puis ça va peut-être vous aider à réfléchir. Quand vous allez manger, peut-être vous allez y penser. Le premier, c'est l'ingestion. L'ingestion, c'est-à-dire on met dans la bouche ce dont on a besoin. Comme le passage d'avant, il parlait du lait. Je vous ai donné du lait parce que vous n'étiez pas encore capable de manger du solide. On le voit bien chez les enfants. Moi, j'en ai à la maison, donc je peux vous le certifier. Quand c'est trop solide, ça rentre, mais ça ressort tout de suite. Donc, l'ingestion, c'est ce que j'appelle l'identification. C'est le fait de reconnaître son état. Avant de changer, il faut savoir ce qui est en nous. Et il faut pouvoir identifier la manifestation de l'enfant qui est en nous. Donc ça, c'est le premier pas. Je vais vous en donner une liste, vous allez pouvoir choisir dedans. Si vous n'y arrivez pas, demandez à quelqu'un à côté de vous, peut-être il va vous aider à trouver d'autres points. Souvent, on voit mieux chez les autres que chez nous. Ensuite, la digestion. Donc la digestion, c'est quand la nourriture, elle arrive à l'estomac et elle commence à être attaquée. Et ce que j'ai... Donc ce moment, c'est le moment de la décision. À partir du moment où on s'est identifié, où on a mis en lumière ce qu'il y avait de l'enfant en nous, eh ben, il faut se mettre en action. Il faut choisir, comme Jésus le disait, se rendre humble. Là, il parlait de l'humilité, mais il faut choisir de se rendre adulte. Donc il faut mettre sa volonté en action. Donc c'est vraiment choisir, décider de changer. Et finalement, l'absorption, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de bon dans ce qu'on a avalé, eh ben, ça va se transmettre à tout le corps, dans les muscles, au travers du sang. Et c'est ce que j'ai appelé l'application. C'est quand on a identifié ce qu'il y avait de l'enfant en nous, qu'on a décidé de changer, eh ben, quand ça se manifeste, on peut se corriger immédiatement. Voilà. Donc, comment se manifeste l'enfant en nous? Alors, vous allez voir, j'ai fait une grosse liste, tu peux la mettre. On ne va pas tout voir ce matin. Je ne sais même pas si on va voir un. Alors, j'ai mis les manifestations d'immaturité en nous. C'est la désobéissance. Prenez l'exemple de Jonas. Dieu lui dit, ah, va à Ninive. Il prend ses bagages et il va dans l'autre sens. Les actes cachés ou les agissements cachés, c'est pareil. On fait des choses dès que Dieu a le dos tourné. On pense que Dieu a le dos tourné. Moi, j'ai des enfants, donc dès que j'ai le dos tourné ou dès qu'ils ne sont plus dans mon champ de vision, je sais qu'il peut arriver beaucoup de choses. Et en général, ce n'est pas des bonnes. L'inconscience, c'est face au danger, eh ben, on n'a pas cette perception de danger. Moi, je sais que quand je laissais la fenêtre ouverte dans l'appartement où on était, ben, le petit, qui n'a même pas 2 ans, ben, il escaladait. Tout de suite, il voulait regarder dehors. Mais il ne se rend pas compte qu'il y avait un étage et qu'en tombant, il pouvait se faire très mal. La peur, on a l'impression que c'est l'opposé. Alors, des fois, il y a des choses, ils n'ont pas peur, ils devraient. Des choses qu'ils ont peur, ils ne devraient pas. Par exemple, ils voient une araignée, ils voient une mouche, une guêpe. Tout de suite, on a l'impression qu'il y a un tremblement de terre, qu'il y a un monstre qui est apparu dans la maison. La susceptibilité, c'est bah, dès qu'ils sont contrariés, c'est comme si le ciel tombait sur la tête, quoi. Nous, en tant que Gaulois, c'est une expression qu'on connaît bien. Mais tout de suite, c'est une montagne. Vous avez beau leur avoir fait une super fête d'anniversaire, plein de cadeaux. Ah, mais tu mets pas son dessin animé qu'il veut, ça y est, c'est comme si le monde s'écroulait autour d'eux. Donc les réactions excessives aussi. Pareil, ils ont une petite contrariété, mais de rien du tout. Et ça devient tout de suite une montagne. On a l'impression que voilà, qu'il y a eu un meurtre ou que c'est grave. Parce qu'ils n'ont pas encore cette maturité pour apprécier les choses. Donc l'exagération aussi. Pareil, il s'est fait un petit bobo, une petite écorchure, ça y est, il faut lui couper la jambe ou on a l'impression qu'il va mourir. Vous reconnaissez peut-être dans certains, hein? Moi oui en tout cas. L'instabilité émotionnelle, c'est pareil, il passe d'un état à un autre, mais tellement rapidement que d'un moment il est super joyeux, tout va bien, et puis ah, oh, une petite contrariété ou un truc qui va pas, ça y est, on plonge dans la dépression presque. Les caprices. Ah, les caprices. En fait, c'est quand il veut quelque chose, eh ben il veut, il lâche pas. Hein. Même si tu dis non une fois, des fois il faut le répéter 10, 15, 20 fois pour qu'il lâche l'affaire. Et ils ont pas. En fait, c'est comme du chantage. Du chantage, des fois affectif. Hein. Il me dit, ah, si tu me le donnes pas, eh ben t'es plus mon papa, je t'aime plus, je quitte la maison. Des fois, ils ont 4-5 ans, ils vous disent ça. Alors, c'est un peu étonnant. Mais. Heureusement, nous, on a la maturité pour pas prendre ça au premier degré. Le fait de tricher, de mentir aussi. Alors, j'ai vu récemment, je ne sais pas si vous avez regardé un peu la télé, il y a beaucoup de pubs pour les jouets en ce moment. Et j'ai vu qu'ils ont sorti un Monopoly où on a le droit de tricher. Où on cache des cartes dans sa manche. C'est affolant. Enfin. En fait, ça les encourage, hein. Ça encourage les gens à tricher, à mentir. Et ils ont une facilité pour avoir ce qu'ils veulent, pour tricher, mentir. Les inquiétudes, là, on va dire, c'est tout ce qui, le stress qui peut monter en nous, c'est tout ce que le fait de s'inquiéter, d'avoir peur de ce qui va arriver. Le fait d'avancer par envie, c'est-à-dire j'ai envie, je fais, j'ai pas envie, je fais pas. Voilà, ils sont conditionnés, ils avancent comme ça. C'est pas, ah, papa, il m'a dit de faire, je fais. Non, j'ai pas envie, je fais pas. Quand je dis, va te brosser les dents, si on lui dit pas, déjà, il va pas le faire tout seul. Ou alors, c'est rare. Et s'il a pas envie, voilà, il faut lui montrer que c'est bien, donner des arguments pour que. L'indécision. Alors là, période de Noël, c'est propice à l'indécision. Parce que vous lui donnez un cadeau, il choisit un. Ça, c'est un défi pour un enfant, de choisir le cadeau. Parce que il y en a tellement. Un jour c'est un jour c'est l'autre, des fois c'est plusieurs dans la même journée. La négligence, alors c'est le fait de justement de pas faire attention aux choses. Par exemple, on parlait des cadeaux, c'est typique des enfants de tu lui donnes un cadeau, il va en faire, il va jouer avec, voilà, sans faire attention, il va perdre des morceaux, il va le jeter contre les murs. Voilà, c'est le fait de pas faire attention. La jalousie, ah ben, du coup je l'ai mis. La jalousie. Quand j'ai deux garçons, alors quand il y en a un qui a un jouet, l'autre il le veut forcément. C'est systématique. C'est dans la main de l'autre, alors il doit être meilleur. Voilà. Alors j'ai mis trois petits points parce qu'il y en a énormément. Il y en a énormément. On peut en trouver plein. J'en ai cité quelques-uns pour vous aider à voir, mais parce que j'ai des enfants à la maison, donc je peux en sortir d'autres. Mais là, je me suis arrêté à ça. Il y a vraiment énormément de manifestations de l'enfant en nous. Et on a vraiment besoin de les traiter. Et ça se traite. On choisit de le faire. On décide de le faire. Maintenant, il faut le mettre en action. Ce que j'aimerais juste vous citer un exemple pour que vous voyez comment ça marche. Et après, si vous avez du mal, vous pouvez venir me voir ou chez vous, même essayer de le faire avec un point que vous avez identifié en vous. Essayez de retrouver des passages qui vous aident ou qui vous montrent le chemin à suivre. J'aimerais juste arriver sur un point. De toute façon, j'ai le temps que pour un. C'est l'impatience. Ah ben, j'ai même pas mis le verset parce que j'étais même pas sûr d'arriver là. Vous voyez? En fait, l'exemple que je voulais vous donner, c'est celui de Saül. Donc, vous avez la référence qui s'affiche. Donc, ce passage, je vais vous le lire, du coup. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes. Saül attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, le prophète, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit: Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit: Qu'as-tu fait? Saül répondit: Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit: Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Donc en fait, Saül est dans une situation un peu compliquée. En fait, son fils est allé avec une partie de l'armée détruire un poste avancé des Philistins. Et du coup, les Philistins, pour eux, c'est une déclaration de guerre. Donc ils se sont dit, ben, on va se mettre en marche contre Israël. Donc Saül a réuni toute l'armée et il a vu une grosse armée débouler contre lui. Et il était prévu que Samuel arrive pour faire l'holocauste en faveur du peuple d'Israël pour être assuré de la victoire. Et au bout de 7 jours, Saül, il guettait. Donc il a eu le temps de voir la pression monter. Au 7e jour, il attendait. Il devait penser qu'il allait arriver le matin au lever du soleil. Vous savez, comme un, comme un super-héros flamboyant avec le soleil derrière lui. Et en fait, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, il n'arrive pas, il n'arrive pas. Donc la pression, elle monte. Quand le terme arrive, souvent la pression, elle monte. Et Saül, il était là. En plus, il voyait que dans le peuple aussi s'impatientait. Ils attendaient, parce qu'ils voyaient que l'ennemi a arrivé. Il dit, bon, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Et certains, ils commençaient à se cacher, certains même à partir. Et Saül, dans la panique totale, il dit, bah, amenez-moi l'Holocauste, tant pis, il n'est pas là, je vais le faire pour lui, je vais le faire à sa place. Et donc, il a offert l'Holocauste, et pile à ce moment-là, il y a Samuel qui arrive. Juste, hein. Il aurait attendu, je ne sais pas, peut-être 5-10 minutes de plus, c'était bon. Mais il n'a pas attendu. Et du coup, alors il y a eu cette guerre où ils sortent victorieux à la fin. Mais Samuel a cette parole énorme qui dit: Le Éternel aurait affermi ton règne si tu n'avais pas désobéi. En fait, l'impatience de Saül lui a pas juste valu une simple allez, ce que tu as fait, c'est pas bien. Bon, on passe pour cette fois, on passe l'éponge et puis voilà, ça te servira de leçon. Non. Son impatience lui a coûté son règne. Je sais pas si vous imaginez. Alors que c'était le premier roi d'Israël. Le peuple d'Israël a voulu avoir un roi et c'est lui qui avait été choisi. Donc imaginez la pression qu'il avait sur les épaules, mais aussi le standing dont on l'a affublé. Et en fait, son impatience l'a conduit à désobéir. L'impatience, ça nous pousse à faire des choses, même bien intentionnées, parce qu'il a dit: Ah, je voulais pas partir en guerre sans avoir imploré l'Éternel. Ça partait d'une bonne intention, mais ça l'a poussé à désobéir. Moi, j'en vois tout le temps, tous les jours, des gens comme ça. Il y a qu'à prendre sa voiture, rien que le chemin que je vais au travail. Maintenant, moi, je fais moins de kilomètres. Mais même en ville, il y a des gens, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils sont tellement. Alors, je dis pas qu'ils fonctionnent que comme ça. Il y en a, c'est peut-être des fous complets ou des inconscients, mais il y en a beaucoup, c'est impatients. Ils sont impatients, ils veulent arriver vite, vite, vite. Et du coup, ils doublent où il faut pas, ils passent au feu, ils cèdent pas la priorité. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ceux qui gagnent à être impatients, quand on est impatient, ce qu'on croit gagner. Bah, on gagne 5, 10 minutes, on gagne quelques kilomètres, mais on le paye très cher. Vous suivez que vous preniez une amende, je pense que ça calme déjà un petit peu. En fait, il est primordial d'attendre le plan de Dieu, le temps de Dieu et son approbation. Par exemple, pour nous, en tant qu'hommes, on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu il sauve pas tous les gens d'un coup comme ça? Parce que Pierre nous dit ceci, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use, comme certains le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. En fait, là, il parlait du retour de Jésus. Il dit, bon, Jésus, il a dit qu'il allait revenir, ben, il serait temps. Il serait temps. Entre parenthèses, sur toutes les promesses qui ont été, toutes les prophéties qui ont été faites sur Jésus, il n'y a que celle-là qui n'a pas été accomplie. Sur 91, je crois, qu'il y en a. C'est la seule qui n'a pas été encore accomplie. Mais Pierre, il explique comme ça, Dieu use de patience envers vous. Ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. En fait, la patience, ça se choisit. Moi, on va dire, j'ai de la chance. Je suis quelqu'un de très patient. Énormément. Vous voyez, on a mis combien? Au moins 5 ans avant que je prêche ici. Et j'ai pas pressé, ça va. Greg, il peut vous témoigner. Voilà. Mais même le fait qu'il y ait une église à Narbonne-Béziers, ça a été long. Ça a été long. On a souffert. Hein. Mais on a été patient parce qu'on voulait que ce soit Dieu qui fasse. On voulait que ce soit dans le plan de Dieu. Il s'est pas fait quelque chose à Narbonne au travers de nous. Je parle de mon expérience personnelle parce que il en a parlé. En fait, on voulait qu'il se passe quelque chose en Narbonne. C'était le désir de notre cœur. On avait vraiment, vraiment le désir parce que on a une âme, on a envie. Et Dieu s'est pas servi de nous. Tant pis, je veux dire. On n'est pas vexé. Un peu triste peut-être, mais on sait qu'il y a quelque chose qui se fait quand même. Et on est heureux pour ça. Et le fait d'avoir patienté, ben, ça met quand même nos désirs à l'épreuve. C'est une forme d'épreuve pour nous. Notre patience, elle est éprouvée. Et ça met en évidence ce qu'on a vraiment au fond du cœur. Vous savez, quand on a choisi de déménager à Béziers, je ne réalise pas encore, pour être honnête avec vous, j'ai l'impression que je suis en vacances, que voilà, je suis parti un peu plus loin. Ça fait que 3 jours. J'ai vraiment pas le. Comment dire? Je réalise pas encore que j'habite Béziers. Même si je commence à avoir des repères un peu plus qu'avant. Mais ce que je voulais dire, je sais plus. C'est qu'on a attendu. Et le fait d'avoir attendu, c'est pas. Ça nous a révélé quelque chose. C'est que, en fait, Dieu il nous place à un endroit pour une raison. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu nous a placés à Narbonne, ça nous a appris énormément de choses. Et nos projets, on ne les a pas fait aboutir par respect. À l'époque, mon père était pasteur à Narbonne, donc on ne voulait pas monter quelque chose, lui faire concurrence, on va dire, pour pas qu'il le prenne mal. Vous savez pas, pour nous, pour vous, c'est peut-être une petite chose, mais l'impact que ça a eu, non seulement vis-à-vis de mes parents, déjà qui ont été touchés, émus quand ils l'ont su, mais par rapport aux autres églises, que quand on leur dit, voilà, pour qu'on fait cette démarche d'aller vers l'autre et de dire, voilà, si tu fais ça, nous, on est prêt à te laisser la place. Ouais. Regardez, des fois, même si vous avez la priorité, vous laissez quelqu'un passer, tout de suite, ils sont reconnaissants, on a l'impression que vous leur avez fait une faveur extrême. Et en fait, la patience, ça fait grandir les choses en nous. C'est. Je sais pas comment vous expliquer. Déjà, il y a une paix qui se dégage de vous. Il y a quelque chose de favorable. Ça crée autour de vous une influence favorable. Moi, je le vois au boulot. Jusqu'au dernier jour, je ne savais pas si j'avais mon CDI. jusqu'au dernier jour. J'étais en CDD 2 mois et demi. Et jusqu'au dernier jour, j'ai pas su. Parce que moi, je vais au travail, je fais mon travail. Et puis après, la personne qui s'occupait des contrats, tout ça, souvent elle est débordée. Voilà, parce que vous imaginez, l'été, c'est l'usine entre les CDI, les CDD, les saisonniers, les intérimaires. Donc j'ai dit, bon, on laisse faire. Moi, je fais mon travail, je fais tout et puis j'attends. Et du coup, ça a vraiment fait mûrir en moi une réflexion. Parce que pendant un moment, je voulais même quitter mon travail. J'ai dépassé. Je voulais même arrêter. Parce que je dis non, je sais que Dieu m'appelle à autre chose. Et puis le fait qu'on arrive à Béziers, comme Greg l'a dit, ça fait naître en moi une compassion pour cette ville. Plus que, je sais pas si vous imaginez, pour moi, ça a été comme tomber amoureux, franchement. Le fait de décider de venir à Béziers, je vois qu'il fallait des pouces. Mais ça a été vraiment ça. Et même le fait qu'on ait choisi de s'installer dans la ville et pas aux alentours, ça a été vraiment un motif de plus pour nous encourager à faire ce choix. Donc ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que grandir, déjà, ce n'est pas une option. Dieu nous appelle à grandir, à aller de l'avant. Il veut que nos progrès soient évidents de tous. Il y a même un verset qui le dit. Moi, quand il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent, oh, la louange, on voit que tu t'épanouis, que c'est bien, je dis merci Seigneur, parce que je fais des progrès. Et j'aime. Après, l'autre côté, c'est que voilà, quand il y a des critiques, il faut les accepter aussi pour pouvoir grandir. Donc ça demande de l'humilité. Et donc pour grandir, il faut choisir. Il faut l'identifier. Il faut reconnaître, il faut se mettre en action, il faut décider de grandir et il faut l'appliquer. C'est ce que je voulais vous partager ce matin. On a un choix à faire maintenant. Alors je ne sais pas quelles sont les manifestations de l'enfant en vous. Ça c'est à vous de vous regarder, de vous reconnaître. Si vous avez des enfants, c'est parfait. Ça va vous aider encore plus à faire émerger les signes de l'enfant. Parce que souvent, ils nous copient, ils nous imitent. Donc des fois, quand je vois qu'ils crient un peu, je dis, oh là, d'où ça vient ça? Tout n'est pas inné non plus. Des fois, ils nous observent, ils nous imitent. Donc souvent, on arrive à se reconnaître dans leurs agissements. Maintenant, si vous avez du mal, comme j'ai dit, vous pouvez faire appel à quelqu'un. Vous pouvez faire appel à un vis-à-vis, quelqu'un qui va peut-être vous aider, vous observer quelque temps et vous dire, tiens, ça, on sent que il faut grandir encore un petit peu. Mais faites cette démarche de chercher à grandir. Et vous savez, quand j'ai pas mis l'emphase sur l'intervention de Dieu dans cette démarche, vous allez dire, oh, c'est bizarre ça, ces gens. Même s'il n'y avait pas les versets, ça pourrait être une bonne leçon. En fait, si vous regardez les dons de l'esprit, ça va répondre énormément à tout ce qu'il y a de l'enfant en nous. Moi, je me suis fait la réflexion. Il y a peut-être plus de points que de fruits, mais tous les fruits de l'esprit sont on va dire, une force de maturation en nous. Parce que par nos propres forces, c'est compliqué. Je vous le cache pas, pour certains points, c'est même impossible. Moi, quand j'étais enfant, eh ben, j'étais quelqu'un très mélancolique. Je m'écoutais de la musique, mais pas de la musique pour sauter, danser. Non, c'était de la musique très mélancolique. Je me la mettais le soir, je m'endormais avec ça. J'avais des idées noires. J'écrivais des poèmes où je disais, ouais, j'en ai marre de cette vie. J'étais pas suicidaire parce que voilà, j'avais quand même la connaissance de Dieu, que Dieu m'aimait, que Dieu faisait des choses, parce que je voyais. Mais j'étais pas confortable dans ma situation. J'aimais pas ma vie, tout simplement, parce que j'avais l'impression que je servais à rien, que j'étais inutile, qu'on m'aimait pas. J'étais triste la plupart du temps. Quand on jouait avec les enfants, ben moi on m'invitait pas, j'étais toujours le dernier. Même au sport, c'était pas moi qu'on choisissait en premier. Jusqu'à ce que j'ai une poussée de croissance, on dit ah, celui-là il est grand, il va nous servir. Mais Dieu m'a transformé. Et j'ai bien aimé ce temps de louange où Dieu a vraiment insisté sur la joie, parce que moi la joie c'est quelque chose que, même quand je suis au boulot, on me dit, mais qu'est-ce que t'as toi? T'es tout le temps content, t'es tout le temps joyeux. Je dis après, mais il y a de temps en temps où je suis un peu contrarié, où le boulot ça me fatigue, où ça me pèse un peu plus. Mais dis, mais toi, on sent que t'es tout le temps content, qu'il n'y a rien qui t'atteint. Si vous faites la démarche de changer, Dieu va intervenir. En fait, quand on fait un pas, Dieu il nous aide à chaque pas, chaque pas. Et vous verrez, au fur et à mesure, ça va grandir en vous. Et vous allez faire des progrès que, ben des fois, on ne se rend pas compte. Moi, il y a des fois des choses que je faisais avant, que maintenant, je me dis, ah ben je ne les fais plus. C'est bizarre. Sur la route, mais il fallait me voir. Hein. Vous savez, j'ai été gendarme. Alors moi, le code de la route, mais c'est au pied de la lettre, quoi. Si quelqu'un même me mord un peu la ligne, je klaxonne, je lui crie dessus, je lui rappelle la loi, je lui cite même le code de la route, l'article et tout, s'il faut, quoi. Et maintenant, ben, je reste calme. Je dis, ils font ce qu'ils veulent, moi ça m'atteint plus. Je suis calme, je suis zen, je suis dans la paix. Je dis, j'espère qu'il va rien leur arriver. Même j'ai envie de prier pour eux maintenant. Je leur dis, Seigneur, garde-les, parce que on se rend pas compte du nombre de morts qu'il y a sur la route, mais c'est énorme. Alors on s'occupe, oui, des terroristes, tout ça, qui tuent 30-40 personnes dans l'année, mais sur la route, il y en a 100 fois plus, quoi. C'est affolant. Et c'est pas ça que je voulais dire, mais j'y suis arrivé quand même. J'aimerais juste qu'on prenne quelques instants pour dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de grandir. Qu'est-ce que soit votre âge? Pas parce qu'on est plus jeune qu'on a plus besoin. Il y a des enfants, des fois, ils font preuve d'une maturité que des fois que nous, on aimerait avoir. Seigneur, merci de nous éclairer dans les choses qui ont besoin de grandir en nous, dans les choses qu'on a besoin de faire disparaître. Parce que ça prend de la place inutilement dans nos vies, ça pollue nos relations, ça pollue notre vie, ça pollue nos choix, ça nous pousse à faire les mauvais choix, ça perturbe, Seigneur, le plan même que tu as pour nous, Seigneur. Comme Saül qui avait été choisi pour régner et qui au final, eh ben, a été chassé, a perdu, Seigneur, l'appel pour sa vie, simplement par impatience. Seigneur, on ne veut pas passer à côté du plan que tu as pour nous à cause de notre immaturité. On veut grandir, Seigneur. On croit que c'est ce que tu veux et on choisit de le faire. Et on te demande ton aide pour nous aider à changer. On veut faire à notre niveau tout ce qui est possible, mais on compte sur ton aide, Seigneur, pour y arriver. On sait que ça ne va pas être instantané, qu'il y aura des efforts, qu'il faudra y revenir. Je vous invite même à faire une liste et à dire, voilà, sur ce point, ce point, ce point, dans telles circonstances. Des fois, ce n'est pas tout le temps, c'est ponctuel dans certaines circonstances. Comme moi, c'était sur la route où je me mettais, où j'avais des crises, pas de colère, mais presque, où j'avais envie de leur expliquer avec les mains comment ça se passe, en langage des signes. Mais après, en dehors, j'étais tout calme. Seigneur, dans certaines situations, tu vois que ben, l'enfant en moi, eh ben, il émerge encore. Et je veux le faire disparaître, Seigneur. Merci de nous aider à nous reconnaître, à nous identifier, Seigneur, dans ce qu'il y a de l'enfant en nous. Merci de nous aider à digérer, Seigneur. Parce qu'il faut l'avaler aussi parfois. Parfois, c'est pas facile à avaler certaines choses. Seigneur, aide-nous à décider maintenant de changer, à l'accepter, à le décider et à le mettre en application, Seigneur, maintenant. Ô Jésus, merci Seigneur de le faire, Jésus. Crois que tu vas nous aider, on croit que tu vas le faire, Seigneur. Parce que tu veux notre croissance, tu veux qu'on grandisse, tu veux qu'on soit des hommes, Seigneur, des fils qui ne sont plus esclaves, mais de ceux qui ont le pouvoir d'influencer, de décider. Ô Jésus, d'être des héritiers à part entière, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Jésus. Amen. Je voudrais qu'on termine ce culte simplement en vivant un moment de transfert. La prédication, c'est aussi un moyen de voir ce qu'il y a dans notre cœur. Et la prière permet de transférer les gens. Vous savez, quand vous côtoyez, j'ai souvent demandé moi des gens, waouh, prie pour moi, parce qu'ils avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. Et donc là, vous avez senti des choses chez Nico, on a vu son cœur. Au niveau notamment de cette capacité à ce désir de grandir, de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Il y a des choses qui vous ont particulièrement interpellé ce matin au travers du partage de Nicolas. Vous avez tout simplement à vous lever et à dire mais je veux pas partir de je veux sceller les engagements que j'ai pris là sur ma chaise. Je veux les sceller devant un témoin. Et je veux qu'on prie pour moi, donc je vous invite à vous avancer dès maintenant. Et puis, on va prier pour vous. Et le culte se termine comme ça, sur la base de ce qui a été partagé par Nico. Et deuxième chose, pour ceux qui ont des problèmes de santé, et vous souhaiteriez qu'on prie pour vous, j'ai retrouvé ma fiole d'onction d'huile. Hier soir, j'avais perdu, je l'ai retrouvée. Donc je ne le fais pas tout le temps, mais là, j'aimerais vraiment qu'on fasse l'onction d'huile pour ceux qui souffrent dans leur corps. Et donc là, on est disponible pour vraiment prier pour vous avec compassion, en s'attendant à la puissance de Dieu. Donc le culte est terminé, on se voit mardi pour ceux qui vont partir. Ici pour la formation à 19h30, mais si vous avez besoin de prière, vous dites je voudrais vraiment recevoir un transfert, ce que Nico a parlé, la patience, tout ça, je veux le faire disparaître ce qu'est de l'enfant, vous avancez et on prie pour vous. Et si vous avez un problème physique pour lequel vous souhaitez qu'on prie, ben avancez-vous aussi, on va le faire tout de suite.